Je vais au musée du Quai Branly. Vous connaissez ? Les musées du Quai Branly ? Non, je ne connais pas. Aujourd'hui, on est jeudi. Le musée est ouvert jusqu'à 21h. Vous venez avec moi ? Ah, visiter au musée le soir ? Super, ok.